du fracas des bombes, des fusils. Notre amour a pris naissance. S'il y a eu rire et poésie, ils sont venus petit à petit. Après le signe, après la danse, doucement. On avait bien compris, la bonté du fleur t'était sortie, l'avenir tient la réponse. Tu es toujours number one, oui du cœur et de la vie, malgré les tempêtes et les vents. Yeah.